Hello, everyone. Welcome to French Pod. Today, we've got an intermediate lesson. It's called sales. Ooh, that's a good lesson. My name is JP. Bonjour à tous. Je m'appelle Amaury. Bonjour, JP. Hi. So today, we're on a cell phone call, and we're talking about the sales that are happening in France. Exactement. Okay. Donc, c'est un petit événement en France. C'est vraiment quelque chose que certaines personnes attendent. Absolutely. You know, the sales in France are not like in the US. They happen all at once and they happen like twice a year, right? Exactement. Okay, it's not like in the US where everything's on sale all the time, you know. Non, comme tu l'as dit, ça arrive deux fois par an, mais on en reparlera plus à la fin du podcast. Absolutely. For now, let's listen to dialogue. Before we do that, what's our keyword? Faire de bonnes affaires. Faire de bonnes affaires. That's like get a good deal. Oui. Right? Get a good price. All right. We're going to listen for faire de bonnes affaires in the dialogue, which we're about to hear right now. Allô? Allô Stéphanie, ça va? Salut Christelle, ça va et toi? Allume ma télé et mets M6, tu vas voir. Désolée, je suis pas chez moi, je peux pas regarder la télé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un reportage sur le premier jour des soldes qui est en train de passer. Tu vas pas en croire tes oreilles. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait la queue pendant plus de 3 heures en attendant l'ouverture des grands magasins? C'est pas vrai, 3 heures? Oui, les journalistes ont tout filmé. Ah, si tu voyais ces furies se précipiter, tout ça pour obtenir un sac de marque, c'est d'un ridicule. Bah, faut quand même reconnaître qu'on peut faire de bonnes affaires pendant les soldes. C'est vrai, mais de là à se lever à 5h du matin pour faire les magasins quand même. Ouais, mais c'est pas non plus tous les jours que tu peux avoir moins 60% ou moins 70% sur un vêtement. Ouais. Mais au fait, tu m'as dit que t'étais pas chez toi. T'es où? Moi? Je me promène. Désolé, mademoiselle. Mais je l'avais pris avant vous, ce t-shirt. Ouais, mais vous l'avez reposé. Christelle, je te rappelle. Alors, ce n'est pas beau de mentir. Crotte. Exactement. Elle s'est fait avoir par son ami qui lui passe un coup de fil, comme on voit au début du dialogue. Right. Qui l'appelle donc parce qu'elle est en train de regarder un programme à la télé et elle a envie d'en parler. Absolutely. She wanted to tell her about something crazy she saw on TV. Ouais. Donc, elle l'appelle et elle lui dit « Allume la télé ». Ok. Allume la télé. That's the verb « allumer ». Oui. And it means to turn on in this case. It could mean to set something on fire also, but when you say « allume la télé », you don't want to set the TV on fire. Pas vraiment, non. No, no. Just want to turn it on. And la télé is la télévision. C'est un terme qu'on emploie également en français pour désigner la télévision. Et elle veut qu'elle regarde une chaîne spécifique okay. qui s'appelle M6. M6. Voilà, il y a okay. 6 grandes chaînes de télévision en France. Mm-hmm. Et voilà, ça c'est la 6e, M6. Et donc elle dit « mais ». M6. Ok. Donc, malheureusement, sa copine ne peut pas le faire. Ok. Alors, la personne qui téléphone, alors Christelle va lui expliquer ce qui se passe. Ok. Et donc, il y a un reportage sur le premier jour des soldes. Ok, soldes. These are the big sales. Ouais. Right, the twice yearly sales. Et donc, ce reportage est en train de passer. Ok, en train de. Whenever we have the structure en train de, it means that something is happening right now. We're in the middle of something. And what's going on? Le reportage est en train de passer. So the report is being shown. Oui. Ok. Parce que l'expression est passer à la télé. Ok. So it's being shown on TV right oui. now. Mais on n'est pas obligé de dire à la télé. Mm-hmm. On peut dire il est en train de passer. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce reportage? Mm-hmm. On voit des gens qui ont fait la queue pendant plus de 3 heures. Oh my goodness. So faire la queue is to line up. They're waiting in line. Now, they're waiting 3 hours before these big department stores open. Right. And what time do they open? Like 8 in the morning? En France, un peu plus tard. Je dirais 9 heures. 9 heures. Okay, so around 6 o'clock in the morning, they're starting to line up? Ouais. Oh my goodness. Imagine. Yeah. Moi, je déteste faire la queue. Me too. Mais alors, faire la queue 3 heures... Oublie, oublie. Yeah, forget it. so that's why the reaction is, c'est pas vrai, 3 heures. Et alors, en plus, à la fin de ces 3 heures, Christelle a vu dans le reportage l'ouverture des portes des magasins mm-hmm. et elle a vu ces furies, ces gens se précipiter à l'intérieur okay. du magasin. Right. She says, si tu voyais ces furies. Right. Si tu voyais, if you could only see. Or maybe if I translate, I would say, I wish you could see. Ouais. And that's si with the imparfait. Si tu voyais. Et donc, elle appelle les personnes qui ont fait la queue et qui se précipitent dans le magasin des furies. Okay, so they're crazy people. Ouais. Right? They're nuts. You know, they're rushing in. This is referring to Greek mythology, but I don't know the whole story. But in France, you can call people furies. Les gens qui ont perdu la raison. Donc Stéphanie, elle commence à les défendre quand même. On verra plus tard pourquoi. Donc elle dit, il faut quand même reconnaître qu'on peut faire de bonnes affaires pendant les soldes. Okay, there's a couple things to look at here. So first, il faut quand même reconnaître. You should still understand, or you should still recognize. Ouais. Right? Quand même could be still, or all the same. All the same, you should still recognize that on peut faire de bonnes affaires. Okay? That was our key phrase, and you could still get a good deal during the sales, pendant les soldes. Et donc l'expression faire de bonnes affaires, ou on peut dire aussi faire des affaires. Faire des affaires. It's ouais. The same thing, right? Ouais. Okay. Mais évidemment, Christelle ne comprend pas. Et donc, elle dit, mais de là à se lever à 5 heures du matin pour faire les magasins, quand même, qui revient ici. Mm-hmm, come on, right? Elle insiste, ouais. Are you kidding me? Come on, come on. It means like still, still. That's crazy, right? Ouais. Dot, dot, dot. Mais Stéphanie reprend la conversation. Mm-hmm. Elle a un autre argument. Son autre argument est, ce n'est pas non plus tous les jours que tu peux avoir moins 60% ou moins 70% sur un vêtement. Okay. Now, French people often talk like this. Ce n'est pas tous les jours. That's not every day that you can get something like this. Oui. This doesn't happen all the time. Oui, exactement. Right. Oui, on pourrait dire, par exemple, ce n'est pas tous les jours qu'on va au restaurant, donc on peut se faire plaisir. Right. Mm. Right. We can't go out every night, so oui. Might as well enjoy it. Oui. Donc voilà, elle trouve que c'est exceptionnel et qu'il faut les faire, ces soldes. Right. Et donc là, je sais pas si Stéphanie est en train de deviner quelque chose, mais elle lui demande, tu es où? Tu es où? Now, your French teacher might tell you to say, où es-tu? You know, that's with the inversion and everything like that. But in spoken French, you can just say, tu es où? Carrément, ouais. On dirait, t'es où? T'es où? Donc, en français parlé, c'est ce qu'on utiliserait beaucoup plus fréquemment. T'es où? T'es où? And she kind of hesitates when she answers. She's like, Should I say the truth? Je me promène. I'm walking. Which is probably true. She's probably walking. C'est vrai. But she's not really taking a walk, is she? Because then we hear somebody else wants to talk to Stéphanie. Oui, parce que cette personne a envie d'acheter le même t-shirt que Stéphanie. Okay, so Stéphanie is shopping. Exactement. Okay, so now they're fighting over the same t-shirt. Et elle dit, je l'avais pris avant vous. Mm-hmm. I had taken it before you, right? You can see there's a pronominal object before the verb. Je l'avais pris, all right? I have taken it, right? I had gotten it before you got it, right? And then at the end, she specifies what she had taken. Ce t-shirt, this t-shirt. Je vois tout à fait la scène, JP. Les deux filles avec la main sur le t-shirt. Mm-hmm. Et donc, Stéphanie quand même se défend. Right. Et elle dit, mais vous l'avez reposé. But you put it down. Now it's back up for grabs. Exactement. But now the phone conversation is in jeopardy, so... Et donc, elle dit à Christelle, je te rappelle. I'll call you right back. Peut-être, tu vois, pendant deux minutes, elle a oublié que Christelle était yeah. là. Et, oh, je te rappelle. Okay, so Stéphanie is part of the craziness of the sold. Maybe she's one of the furies. Exactement. I wonder if she's on the télé. Peut-être. Et donc, on va se replonger dans cette conversation. Allô? Allô Stéphanie, ça va? Salut Christelle, ça va et toi? Allume la télé et mets M6, tu vas voir. Désolée, je suis pas chez moi, je peux pas regarder la télé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un reportage sur le premier jour des soldes qui est en train de passer. Tu vas pas en croire tes oreilles. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait la queue pendant plus de 3 heures en attendant l'ouverture des grands magasins? C'est pas vrai, 3 heures? Oui, les journalistes ont tout filmé. Ah, si tu voyais ces furies se précipiter, tout ça pour obtenir un sac de marque. C'est d'un ridicule. Bah, faut quand même reconnaître qu'on peut faire de bonnes affaires pendant les soldes. C'est vrai, mais de là à se lever à 5h du matin pour faire les magasins, quand même. Ouais, mais c'est pas non plus tous les jours que tu peux avoir moins 60% ou moins 70% sur un vêtement. Ouais. Mais au fait, tu m'as dit que t'étais pas chez toi. T'es où? Moi? Je me promène. Désolé, mademoiselle. Mais je l'avais pris avant vous, ce t-shirt. Ouais, mais vous l'avez reposé. Christelle, je te rappelle. À Alors, faut bien savoir que ce qui se passe ici dans le dialogue, c'est véridique. Right. Ça arrive devant les grands magasins à Paris, en France. Yeah, but you know what? You will never find me in one of those lines waiting for a big store to open. I would never do that because I hate shopping. Moi non plus. Really? Non, non, non, jamais. Oh, hey, Christella's here. Oui, salut tout le monde, je suis là. Et donc, on voudrait savoir si tu partages notre avis, que tu pourrais être une de ces personnes. Ah non, jamais. Non plus? Vraiment jamais. Faire la queue pour obtenir un sac ou une paire de chaussures, j'ai tendance à trouver ça ridicule aussi. Who is it? Who is it? Do you know those people? I mean, for goodness sakes, it's not us. À mon avis, ça doit être les passionnés de mode. Mm-hmm. Et les gens qui adorent suivre la mode, qui aimeraient pouvoir la suivre, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et qui se disent, bon, cette fois, c'est l'occasion d'avoir un sac de marque, des vêtements de marque, mm-hmm. quelque chose qui me plaît vraiment et que je pourrais pas m'offrir le reste de l'année. Mais il faut vraiment être motivé, quoi. Absolutely. So, are you going to tell us that you've never gone to the solde? Je suis déjà allée faire les soldes, ça c'est sûr. Mais en général, j'y vais une après-midi, après ça m'énerve. Parce qu'il y a toujours trop de monde. That's true. Et puis, j'aime pas trop me battre pour des vêtements. Mm-hmm. Et y a toujours des furies, des folles de vêtements qui disent « Ah non mais attendez, celui-là j'ai vu en premier !» Bon, d'accord madame, allez-y, c'est pas grave. Okay, so what are these big stores in Paris? Je dirais, il y a le Printemps. Okay. Et les Galeries Lafayette, mm-hmm. qui se trouvent sur le boulevard Haussmann à Paris. Right. Ce sont les grands magasins. Oui, c'est surtout la folie aussi pour les vendeurs. Parce qu'en général, pendant les soldes, les gens ne respectent rien. Ils ne replient pas les vêtements et tout ça. Alors, ils choisissent un vêtement, ils le reposent, et puis ils le reprennent, et puis il y a quelqu'un qui le reprend, et puis il y a quelqu'un qui le jette par terre. Donc, je pense que c'est plus la folie pour les vendeurs que pour les consommateurs. Et alors, donc, ces soldes se passent deux fois par an en France. Mm-hmm. La première, c'est au mois de janvier. Right. Ça commence une semaine après le 1er janvier, plus ou moins. Et les secondes soldes, c'est au mois de juillet. And I have to say to all my American friends, it's not like the US at all. Everything goes on sale during those 4 week sold seasons, right? Absolument. And when it's over, it's over. C'est exactement ça. Tout mm-hmm. est mis en vente. Les machines à laver, les sèche-cheveux, tout ce à quoi on peut penser, les couvertures, les lits, l'électroménager, tout est mis en vente. Tout right. est en solde. Right. Whereas in the US, things are always going on sale and going off sale. It's always sale season somewhere. C'est vrai? Yes, yes. But in France, it's just those two times of the year. Exactement. Moi, ce que je fais, c'est que j'y vais vraiment à la fin des soldes. Après 2-3 semaines, durant l'après-midi, comme Christella, il y a moins de monde et il y a encore moyen de faire de bonnes affaires. Ok. Donc, c'était le petit conseil. C'est vrai. Il y a aussi des gens qui font du repérage avant les soldes. C'est-à-dire, avant que les soldes commencent, par exemple, une semaine avant ou une semaine et demie avant que les soldes commencent, ils vont dans les magasins et puis ils repèrent les vêtements qu'ils aiment bien. Ils essaient même de les cacher, de les changer de place. Et quand les soldes commencent, ils savent directement où aller, quels vêtements prendre. Mm-hmm. And that's why they're waiting in line. Exactement. En tout cas, vous en savez plus sur les soldes à la française. Donc, on se retrouve sur la page de discussion sur frenchpod.com. Venez partager vos idées avec la communauté. Sur ce, merci à tous. On se retrouve très bientôt. Salut. Salut. À bientôt.